ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بضرب او القتل وان كان ذلك بسبب ما يقوم به من افساد او فسق الذي منا قلنا تيل de s'en prendre aux koufars dans les bled de muslimines en les frappant ou en les tuant à cause de ce qu'ils feraient comme mal. Là maintenant, c'est pas dans l'autre question. L'autre question, c'est qu'ils viennent comme ça, de même. Visite, touristique, je sais quoi là, c'est ils viennent et là, ils font du mal dans le pays d'islam. Ils font pas dire, par exemple, ils viennent, tu les vois, ils s'habillent comme de je sais pas quoi, ou ils vont dans la rue, ou ils font visite dans la rue, ou des choses que l'islam ne permet pas. Il dit « La yajouzou l'artida ala al-kafir » دخل بلاد المسلمين بالامن والعهد لانه في ذمه المسلمين ولا يجوز غدر ذمه المسلمين فالله عز وجل امرنا بالوفاء بالعهود قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجروه حتى يسمع كلام الله ثم بلغ مأمنه يعني دي با permis justement d'être aussi envers eux de leur faire du mal si on est dans le pays d'islam avec un pacte de paix car ils sont sous justement la protection des musulmans. Et il n'est pas permis de trahir le pacte de paix. Et Allah nous a ordonné d'être fidèles à nos engagements. Quand la Ta'ala, dans le sens où Allah il dit, et si un des mouchriks te demande abri, refuge, alors abrite-le pour lui faire entendre la parole d'Allah. Ensuite, fais-lui parvenir son lieu de sécurité, c'est-à-dire le pays d'où il vient. Al-Tawba, désaveu, verset 6. « Amma izaltaka bashayan yaqtadi al-uqouba, fa'inna lazi yatawalla zalika wa walil amr. » Par contre, s'il se met à faire une chose qui demande une sentence, qui demande justement une punition, une sanction, alors c'est au gouverneur de s'en charger. « Wa la yajuzu li afrad an-nas an yu'aqibuhu li anna hadha yahsulu minhu al-fawza wal-i'tida » Il ne vient pas aux civils, aux gens quelconques d'agir de même. S'ils voient quelque chose, ils en informent les autorités qui se chargent après de cette personne-là. « Lakin min man hasala minhu shay'un » يخل بدين المسلمين او يضر باحد من المسلمين فانه يرفع الى ولي الامر يتولى وهو مجازة هذا المعتدي. Donc comme on vient de dire, si jamais ce kafir se met à faire des choses qui nuisent à l'islam ou aux musulmans, alors à ce moment-là lui il faut le dénoncer aux autorités qui eux prendront les mesures. Et qu'il le fasse correctement ou pas, ça ne te regarde pas. Même s'ils ne font pas le hukm qu'Allah Azza wa Jal a décrété sur eux, toi, tu as fait ton travail, tu les as informés de ce que faisait cet homme-là, et après, qu'ils fassent le hukm d'Allah ou pas, ça ne te concerne plus. Tu n'as pas, toi, à y aller te venger ou à faire les choses par en dessous. Là, cela n'est pas permis. Parce que ça va amener justement à du désordre. Si j'arrive à faire sa loi, on va arriver à quoi? On ne sortira pas.